Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Comment parvenir à l'abondance ». Alors, le truc est facile, vous achetez tout un billet de 6,42. Vous achetez le bon. Et c'était la conférence. Ben, pas venu pour rien quand même. Ah, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ça, parvenir à l'abondance. C'est ça, je vais vous donner les chiffres. J'ai regardé dans des notes que j'avais prises lors de discussions qu'on avait déjà eues sur des lois que tu m'avais énumérées. Il y en avait 8. On y passera tantôt, mais j'ai gardé ces 8 lois-là comme référence pour comment parvenir à l'abondance, parce qu'on s'est souvent parlé de ça. J'ai regardé aussi ce qui m'avait apporté l'abondance dans le passé, puis je sais pas si c'est ça qui me l'a enlevé, mais je l'ai déjà eu, je l'ai perdu. Les anciennes lois, qu'est-ce que, historiquement, on lit comme étant les lois qui nous apportent l'abondance? Il y avait la chance, le mérite, la projection, la foi et le travail, que j'ai retenu, ces 5-là, qui étaient celles qui pouvaient fonctionner. Pourquoi, dans certains cas, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus? Parce que je sais que je ne suis pas le seul dans cette... Quel genre d'abondance tu as eu? Financière. Et de santé. Puis c'était une vraie abondance financière? Ouais, c'était une belle abondance, par rapport à ce que j'ai eu maintenant, oui. Ça ressemblait à quoi, pour avoir une idée, là? En termes de grosseur d'argent? Oui. Tu faisais combien à l'heure? Moi, je gagnais un demi-million par année. Bon, c'est pas trop pire. Est-ce que tu avais le temps en plus? Non. C'est ça, c'est pas l'abondance. C'est l'abondance de l'homme du poisson, c'est l'abondance de l'air de l'émotif, c'est l'abondance de l'air du travail, du spirituel qui accepte le mérite. Tu travailles toute une grande partie de ta vie pour prendre ta retraite après. Puis ta retraite, bien souvent, c'est réellement une retraite de la vie. Tu prends une retraite quand tu as suffisamment d'argent et plus souvent qu'autrement, tu n'as plus la santé ou le corps physique pour bénéficier convenablement du temps qui te reste. Mais ce que je me disais à l'époque, c'est qu'en faisant à ce rythme-là, je n'avais pas besoin de travailler bien longtemps. Sauf que tu as oublié qu'un jour, tu te conscientiserais. Je suis crise d'âge, je vais te prendre. C'est ça. Alors, tu as ramassé beaucoup de pécules, beaucoup d'argent, puis à un moment donné, tu as commencé à te conscientiser. Commençant à te conscientiser, tu as trouvé les façons les plus rapides de dilapider tout ce que tu avais. Exactement. Même sans savoir comment. Ça se trouve vite. Alors, effectivement, on va résumer brièvement pour bien comprendre la nuance entre l'individu qui ne se conscientise pas. Et qu'est-ce que je veux dire par « qui ne se conscientise pas » Ça ne veut pas dire l'individu qui n'évolue pas. Il y a les humains évoluent, sauf qu'il y a une différence, par exemple, entre l'animal qui sait comment, un oiseau sait comment construire un nid, mais l'oiseau ne sait pas qu'il sait comment construire un nid. L'homme sait, comme l'animal, mais l'homme sait qu'il sait. Quand je dis l'homme, je dis la femme et l'enfant, évidemment. Alors, vu qu'il sait, il a une conscience. Dans la majorité des processus d'évolution, et quand on parle d'évolution, il y a évidemment l'évolution biologique, la cellularisation, la capacité de codifier génétiquement ce qu'on apprend, transmissible. Il y a l'évolution de la vision du monde, de la vision de l'univers, l'évolution cosmogonique, l'évolution spirituelle, l'évolution dans la compréhension, l'évolution de plusieurs façons. Sauf que la majorité des individus qui évoluent ne se conscientisent pas en ce sens qu'ils évoluent dans une trame, mais ne sont pas conscients du chemin qu'ils suivent. Alors, l'individu qui n'est pas conscient du chemin qu'il suit va être assujetti à des lois de l'abondance qui sont typiques de l'histoire, de l'historicité planétaire, c'est-à-dire l'humain a toujours évolué depuis le début, aller jusqu'à Kevlar quelques années, et pour la majorité c'est encore le cas, d'une façon inconsciente. Si tu pries, par exemple, pour avoir des choses, tu ne connais pas la mécanique qui fait que ça fonctionne. La journée que la mécanique ou les lois de la mécanique changent, continue à prier, tu n'as plus de résultat. Mais si en plus les lois de la mécanique finissent par changer un point tel qu'en priant, tu détruis ce que tu veux avoir, bien nécessairement, tu appliques toujours ce qui a fonctionné, mais là, tu te défais. Toi, tu as appliqué des lois pycéennes, donc reliées à l'air du poisson, qui t'ont amené effectivement, dont un demi-million par année, c'est quand même intéressant, et continuant à appliquer ce même genre de loi, tu as perdu 600 000 par année. Donc, ton demi-million plus 100 000 de plus. Bon. Et plus. C'est ça. Alors, ce qui fait que tu perds tout ce que tu as et tu perds même ce que tu n'as pas. Encore lui. Mais pourquoi ces lois-là, les lois qui marchaient avant, c'est-à-dire ce que j'appelais le mérite dans le sens que tu travailles bien, tu fais ce que tu as à faire, tu te fais comme du monde, tu finis par recevoir ce qui vaut le coup. Tu travailles 6 jours par semaine ou 7 jours par semaine pour avoir plus. Ou 8. C'est le mérite, oui. Et puis, tu fais un bon travail, tu suis des cours de positivisme ou de projection à un moment donné, tu apprends à projeter. Oui. Mais pourquoi ça, ce qui marchait, ne marche plus? Bon. Alors, tout à l'heure, tu as parlé que tu avais ramené 8 lois pour permettre à l'humain qui se conscientise d'atteindre une forme d'abondance. Se conscientiser, ça veut dire, à l'instant où vous refusez toutes les réponses déjà préconçues, alors, vous pouvez les accepter après, les avoir étudiées et les avoir comprises. Mais à l'instant où on commence à se poser des questions qui nous marginalisent du point de vue évolutif, des questions qui ne sont pas, que normalement une personne normale, là, bien correcte dans son évolution, ne pose pas. Le genre de pourquoi tout le temps à un moment donné. Lorsqu'on commence à se poser ce genre de questions, lorsqu'on commence à refuser de manger cru aux réponses philosophiques traditionnelles, on fait partie de ceux qui se conscientisent. C'est-à-dire qu'on ne veut plus juste suivre un chemin, on veut être conscient qu'on suit un chemin, puis on veut aussi être conscient de toute la mécanique du chemin, puis là où elle nous mène. Mais ça ne se fait pas nécessairement volontairement. Ça ne se fait jamais volontairement. C'est pas une décision. Mais ça se fait consciemment. Non, l'humain ne prend pas de décision. Tu te lèves pas un matin, tiens, je vais commencer à souffrir aujourd'hui. Wow. Commencer à me conscientiser. L'évolution n'appartient pas à l'homme, pas à sa psychologie, pas à sa tradition. Dans la tradition, il y a l'involution. Ça, on est expérimenté là-dedans. En mémoire, l'âme humaine a le processus de l'involution, que les religions peuvent appeler chute ou ce que tu voudras bon. Mais on n'a pas le processus d'évolution. C'est pourquoi on répète sans cesse toujours les mêmes expériences de génération en génération, avec une forme d'amélioration qui est adaptative. À la longue, avec l'expérience, on finit par améliorer un peu. Mais on est encore sur le bord de guerre, alors que l'humain s'est toujours battu. Ce qui fait que tu as beau avoir évolué comme tu voudras, finalement, tu as évolué dans un cercle vicieux qui fait que c'est comme plus éclairé, mais c'est toujours à la même place qu'on t'amène. Celui qui se conscientise ou celle qui se conscientise va être soumis à d'autres lois. Je les ai nommées, pas nommées, mais listées. Je vais les répéter, celles que tu m'as déjà dit. Il y en a peut-être que je n'avais pas noté, mais il y en avait 8. Je pense que c'est les plus grandes. Ne pas travailler à outrance. Je l'ai écrit dans mes mots, là. Celle-là, tu l'avais mal comprise. OK. Veux-tu qu'on les passe une par une ou je les nomme toutes? Lis-les, après ça, on pourra revenir. Vérification expérientielle. Détachement du résultat. C'est la troisième. Quatrième, intelligencer sa vie. La cinquième, accepter les résultats comme normal. La sixième, ne pas s'en vanter, ne pas le cacher d'un succès. Septième, attire les réincarnations pour l'abondance. Et la huitième, la transparence. Bon. C'est déjà pas pire. L'individu qui se conscientise, s'il a la foi, il ne se conscientise plus. Parce qu'il se conscientise, la foi disparaît. Alors, j'ai foi en l'abondance. Comme par exemple, François va dire à un moment donné, va répéter un passage du Nazaréen en disant que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais on pourvoit à leur bien. Sauf qu'à un moment donné, c'est un peu la philosophie de l'enfant. L'enfant va dire, pourquoi je travaillerais, les parents sont là. Je sais que moi, les oiseaux, que Dieu pourvoit à leur bien dans ma cour, c'est moi qui le lance du pain. Je suis Dieu, il faut croire. C'est moi qui, parce que sinon, ça meurt de faim l'hiver, là. Et on peut dire, c'est parce que l'humain a défait l'écosystème. Ben non, il y a beaucoup de... Les moineaux, ça vit en ville, ça vit pas dans le bois. Bon. La foi disparaît lorsque l'humain se conscientise parce qu'il met en doute plusieurs choses et nécessairement, il ne peut pas s'accrocher émotivement, vibratoirement, seulement sur un canal qu'on appelle la foi pour aller vers l'abondance. Et comme la majorité des êtres humains n'ont jamais suffisamment une foi relativement pure, elle est toujours colorée par un objectif à atteindre. Tu ne peux pas avoir une foi pure en une mécanique si tu veux corriger la mécanique pour aller vers un résultat. Même dans le passé, celui qui n'a pas tout à fait la foi n'aura pas tout à fait l'abondance. Est-ce que tu perds la foi pour... est-ce que ce qui t'a fait perdre la foi est la perte de l'abondance ou l'inverse? Non. C'est à l'instant où tu commences à te conscientiser, si tu veux avoir l'abondance par la foi, perdant la foi, tu perds ton abondance que tu pourrais avoir. La foi, elle a une utilité historique, c'est qu'elle permet à des êtres humains insuffisamment conscients de voir l'écologie d'une mécanique. Jette-toi pas dans le feu, tu vas brûler. Alors, aie foi en celui qui te parle, même si tu ne comprends rien pantoute de l'affaire. Quand tu commences à te faire toi-même ta logistique, quand tu commences à devenir suffisamment intelligent, quand tu commences à conscientiser les mécaniques planétaires, là, tu te dis, pourquoi ne pas me jeter dans le feu? Là, tu vas voir, peut-être que tu apprends la même chose. Sauf que là, tu as une nouveauté de différence, c'est que tu vas être capable de créer des sociétés où on ne jettera plus dans le feu. Alors que, historiquement parlant, on ne peut pas. On attend que Dieu ou le prêtre ou qu'un communicateur nous l'amène. Le mérite dans l'ère PCN, donc celui qui ne se conscientise pas, c'est l'idée « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » ou encore « mesdames, vous enfanterez dans la douleur ». Ça, c'est comme si on interdisait déjà à la médecine ou à la femme d'avoir des techniques lui permettant d'avoir un enfant sans souffrir. Et c'est nécessairement l'idée qu'on ne doit pas, on ne peut pas obtenir l'abondance. Vos égaux ne pourront pas vous autoriser à l'abondance tant qu'on ne se sera pas purgé de l'idée méritoire, donc spirituelle, de l'abondance. Pourquoi devrais-je travailler toute ma vie pour gagner le pain qui va me faire vivre, pour me permettre de travailler, pour gagner le pain qui va me faire vivre, pour me permettre de travailler pour bon? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, si finalement ça se résume à ça. On est prédateur animal. Le loup passe sa vie à se nourrir de façon à être suffisamment en forme pour pouvoir passer sa vie à se nourrir pour être suffisamment en forme jusqu'à temps qu'il meure. Quand tu commences à te conscientiser, cette mécanique-là, elle ne te satisfait plus. Mais si tu commences à te conscientiser, tu commences à t'attacher à de nouvelles façons d'aller chercher de l'abondance. Et si tu ne veux pas changer de cap, tu vas commencer à perdre encore une fois pour qu'on t'oblige à changer de bras. Encore là, tu ne changes pas par goût. Là. C'est parce que tu vas... Tu ne changes pas par goût tant que tu ne comprends pas la mécanique. Tu te rends compte que le mérite, travaille pas, ça ne donne rien. Tu travailles toujours, même si tu ne travailles pas. Tu travailles toujours pour te chercher un emploi, tu travailles toujours pour avoir l'idée, tu travailles toujours pour travailler. Le résultat va commencer lentement à s'altérer. Puis on verra la semaine prochaine comment ne pas perdre son abondance. On va voir pourquoi, justement, il y a une grosse problématique dans le visuel du résultat. Tu l'amènes un peu comme loi là, mais on va pouvoir revenir beaucoup plus. Parce que souvent, comme toi, tu as gagné, tu as tout perdu. Bon, c'est intéressant, mais c'est pas... Ouais. C'est intéressant, oui. Donc, on parle du travail, on parle du mérite, on parle de la projection. La projection, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de voir dans l'avenir ce qui déjà nous attend. L'individu qui projette et qui ne réussit pas, c'est que ce qu'il voit dans l'avenir, ce n'est pas ce qui l'attend, et il espère que ça va venir, il ne l'a pas. Lui ne croira pas au positivisme de projection. L'individu qui, lui, se laisse libre, il veut améliorer sa situation, et puis à un moment donné, il voit un cadre amélioré. Mais si ce n'est pas tout à fait le cadre qu'il a, il s'en fout, mais il voit au moins l'amélioration, alors ce qui va arriver, c'est qu'il va possiblement dynamiser sa foi vers le cadre. Je vais avoir une automobile, ben je me fous de savoir la couleur. Tandis que celui qui, à un moment donné, qui analyse trop, je la veux bleue avec ceci, cela, cela, cela, cela, plus souvent qu'autrement, il va la perdre. Dans la PCN, l'individu va nourrir sa foi par la projection positive. Et ça va amener à certains résultats. Celui qui commence à se conscientiser doit comprendre les mécaniques. Et comprendre les mécaniques et doit appliquer les mécaniques, appliquer sa compréhension. Et il y a une problématique. Du point de vue pycéen, vu que l'humain n'a pas suffisamment de réchauffement de conscience, il va souvent appliquer des mécaniques et après en comprendre le principe. Et ça, c'est le méritoire, l'initiation expérientielle. Tu expérimentes pour comprendre. Celui qui se conscientise, étant donné qu'il procède de la question, qu'il procède de la cognition, la compréhension et la connaissance, il va, avant d'appliquer, exiger de comprendre où ce qu'il va. Et là, on va passer par un nouveau processus où il devra comprendre et ensuite, il pourra appliquer. Mais le problème, c'est qu'on essaye de tout comprendre en même temps. Sans appliquer. J'ai écouté à peu près, peut-être 200 cassettes des conférences de toutes les sortes. Puis pour me rendre compte, à un moment donné, que j'avais même pas appliqué le 10e de la première cassette que j'avais écoutée. J'avais tout écouté ça. Mais entre l'écouter puis l'appliquer, c'est effectivement une bonne nuance. On en sait, mais... On ne se décide pas, on dirait, à enclencher. Et pourquoi ça? Puis ça, c'est extrêmement important à retenir, que ce soit mes conférences ou n'importe quel genre d'instruction qu'on va chercher. Traditionnellement, on applique et à un moment donné, on comprend. Maintenant que vous comprenez plus, l'ego continue à penser que parce que vous comprenez plus, vous l'appliquez ça. Alors, tu ne fais pas le travail d'application d'une mécanique. Tu vas même venir à une conférence, tu vas dire, oui, mais ça, je le sais déjà. Ça, là, on ne pourra pas trouver d'autres choses, passer à d'autres choses, aller plus loin. Mais plus on va aller loin, plus vous allez comprendre de mécanique, mais plus vous allez avoir de mécanique à appliquer. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu as vu toute ta médecine en théorie, puis après ça, il faut quasiment que tu recommences au complet parce que tu as oublié beaucoup de mécaniques de compréhension, parce que tu les as pas juxtaposées sur de l'application. Mais aussi que les mécaniques étant différentes, comme par exemple dans le mérite, historiquement, il fallait qu'on travaille beaucoup pour gagner beaucoup. Là, dans les lois que toi t'amènes, puis que j'ai pu vérifier que les anciennes ne fonctionnent plus, il faut se convaincre en même temps qu'il ne faut plus que je travaille, ou moins. Et puis, tu as aussi l'ancienne, tu as les mémoires de ce que tu as déjà fait, et puis du nombre de temps que tu as passé à travailler. Mais ça, ça s'applique pour celle-là, mais c'est pour toutes bon, les autres lois. C'est toutes les nouvelles lois. Pour amener l'abondance, de toute façon, ce qu'on dit là, c'est bon pour à peu près n'importe quoi, c'est que on comprend les choses, maintenant, il faut appliquer les choses. Et puis, en une conférence, on peut donner énormément de matériel, on peut en comprendre la substance. On ne peut pas appliquer une substance. On doit appliquer les mécaniques un peu plus disciplinairement. Regarde, si tu fais du ski nautique, tu te tiens après le petit bâton, il y a un bateau qui s'en va. C'est un bateau de l'ère PCN. C'est un bateau astral, un bateau émotif, mais qui n'amènera pas les conscientisés à gagner un prix en faisant du ski nautique. Le bateau, il accélère, il ralentit. Il accélère, il ralentit. Tu t'en vas avec ça, puis là, tu penses couler, pas pire part, puis là, ça va bien, puis là, il relâche encore. À un moment donné, il y a un autre bateau qui passe à côté de toi, puis c'est le bateau qui va avec ce que tu veux. On parle des bateaux, disons, de conscientisation. Il passe à côté, et là, on laisse tomber une autre petite corde avec un trapèze après. Tu peux l'accrocher, lâcher celui-là, puis là, tu t'en vas sur un bateau qui va avancer d'une façon beaucoup plus stable. Mais nécessairement, sa vitesse de croisière n'est pas celle du bateau que tu suis. Quand tu vas prendre ton bâton, tu risques d'avoir une triste secousse pour décoller. Peut-être même que tu te ramasses à plat ventre dans l'eau, tu vas peut-être tournoyer un bout de temps, avaler un peu d'eau, jusqu'à temps que tu comprennes la mécanique du ski nautique, que tu te replaces les pieds en avant, tu vas commencer à te redresser au-dessus de l'eau, puis comme il reste stable, ça va aller. La majorité des personnes, ce qu'elles font, s'en vont, puis là, ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, ou encore 2, 3, 400 ans, et ils sont habitués. Là, ils prennent l'autre bâton, ça donne un coup, mais regarde, ils n'ont pas lâché celui-là encore. Et puis là, à un moment donné, vu que les deux vont similairement à la même vitesse, ça va bien. Là, ils arrivent peut-être à se maintenir, et ils suivent le nouveau bateau. À un moment donné, vu qu'ils ne lâchent toujours pas celui-là, question de sécurité et question aussi d'inconscience de la mécanique, bien, à un moment donné, ils vont se ramasser entre deux bateaux. C'est la corde raide. Puis, dépendant de ce qu'il y a entre les deux bateaux... J'espère qu'il n'y a pas une île à quelque part. Quel genre de souffrance? Ce qu'on doit comprendre, c'est que tu as des lois qui fonctionnent bien dans un cadre, puis quand l'humain change, toutes les lois changent autour de lui. Quand tu rattrapes l'autre bateau, ça va fonctionner aussi. Mais reste non conscientisable ou deviens conscientisé, mais reste pas entre les deux. Faut que tu fasses un... Ben là, j'allais dire, faut que tu fasses un choix, t'as encore pas le choix. Sauf que plus l'humain comprend la mécanique, plus il va être capable d'appliquer des techniques. Quand on parle de technique, c'est pas nécessairement respirer par les trois narines du nez. C'est simplement que tout à l'heure, on dit, bon, la transparence, c'est une des lois de l'abondance. Quand on l'aura expliqué, on va comprendre. Mais ça, on n'a rien à foutre de comprendre. Mais maintenant, il faudra appliquer et on aura des résultats. Le problème, c'est que si tu parles de 8 lois de l'abondance, devons-nous appliquer les 8 pour parvenir à l'abondance? Nécessairement. Sauf que ces 8 lois-là sont faciles à appliquer, comme n'importe quoi. Vous avez des caries, mangez moins de sucre, uxiquetaine. Mais c'est pas de le savoir qui va empêcher les caries, c'est de manger moins de sucre. Bon, tu as trop de poids, tu dois suivre une diète, et que c'est niaiseux. Puis ça, on va dire, ouais, ça on le sait, ça là, il n'y aura pas. Mais c'est ça, applique ça. Puis on va découvrir progressivement qu'énormément de choses qu'on recherche, on les a déjà, appliquons-les. On va passer tes 8 lois. La première, c'était ne pas travailler à outrance. Bon. Moi, je dis que l'être humain qui devient intelligent, celui qui se conscientise, ne doit pas travailler. Ce n'est pas intelligent de travailler. Ouais, ben là, si on ne travaille pas personne, on va avoir de la misère à se faire servir le café à pause. Non. Première chose que dirait un conscientisé Teflon, la personne à la pause, elle ne se conscientise pas, elle va te le servir le café. Oui, mais c'est pas parce qu'on se conscientise qu'on peut arrêter de travailler. Il faut qu'on continue, à manger quelque part. Il faut continuer à avoir une certaine forme de revenu. Il faut continuer aussi à apprendre dans le travail. Puis à... Non, vous voyez, c'est ça qui est l'idée. Pensez pas comme lui. Moi, je dis, en travaillant moins, on va attirer l'abondance. Oui, oh, c'est bien beau, mais il faut travailler pour avoir le revenu. Pour avoir ci, pour avoir ça, pour avoir ça. C'est comme si, pour pouvoir avoir ce que je te dis que tu vas avoir, il faut que tu fasses tout l'inverse de ce qu'il faut pour l'avoir. Dans le but de revenir à l'ère du poisson pour l'avoir. L'abondance chez l'être qui se conscientise, c'est avoir des... ne plus vivre de limitations dans la matière, ni dans le temps. Tu ne voyages jamais, tu n'as pas besoin d'argent pour voyager. Bon. C'est pas d'avoir 1 million en banque. Parce qu'un million en banque, avec l'insécurité de le perdre, tu n'as pas l'abondance. Tu es encore mal pris. Et ça, c'est très important parce que l'être, la femme nouvelle, l'homme nouveau, l'enfant nouveau, peut parvenir à l'abondance dans le temps et dans l'argent. Ce que je veux dire que si je décide d'aller en voyage, j'amène mes enfants parce que j'ai en masse d'argent, puis je prends un mois ou un mois et demi parce que j'ai en masse de temps. Mais ça me sert à foutrement rien d'avoir de l'argent sans jamais avoir de temps. Et comme j'expliquais dans un séminaire, la planète est divisée en deux. Tous les pays pauvres, ceux qui n'ont pas d'argent, regardez les gens, ils ont le temps. Tous les pays riches, là où on a l'argent, regardez les gens, ils n'ont pas de temps. L'abondance, c'est d'avoir l'intelligence d'unir deux processus planétaires, avoir l'argent et avoir le temps en fonction de ce qu'on peut faire ou accomplir. Mais comment tu fais ça pour avoir de l'argent sans travailler? C'est évident que si tu travailles, des fois, tu n'auras pas le temps. On peut pas tout être conférencier. Non, mais on peut tout parvenir à l'abondance. Sans travailler. Oui. Alors, on va redéfinir l'idée même qu'est-ce que c'est que travailler. Je connais des personnes, moi, qui font du bénévolat dans des hôpitaux, puis à un moment donné, ils sont heureux, ça va bien. À un moment donné, on les engage, tellement ils sont efficaces. Là, ils commencent à être malheureux, là, ils commencent à s'indiquer, là, ils commencent à trouver qu'on les exploite. Avant, ils n'étaient pas payés. Maintenant qu'ils sont payés, là, on les exploite. Et là, ils remettent tout en question, puis finalement, ils vont se ramasser avec des heures supplémentaires, mais ils ne vivent plus. Avant, ils ne travaillaient pas. Ils vivaient. Donc, ils avaient le temps, mais ce n'était pas rentable. La journée qu'on décide de les payer, ils ont l'argent et le temps. Mais par processus inhibé, par processus traditionnel d'évolution sociale, à l'instant où on te paye, ça devient un job. Puis dans un job, tu n'es jamais payé pour être heureux. Et là, l'humain commence à colorer. Ce que on doit comprendre, c'est qu'on doit implicitement, et ça c'est dans le début, c'est, si tu appliques, tu vas appliquer tout croche dans le début, mais mettons que tu appliques convenablement les lois de l'abondance chez ceux qui se conscientisent, faut aussi que toute la structure autour de toi commence à tourner à un moment donné. C'est comme je vous dis, moi, pour arrêter votre automobile, appliquez les freins. Tu mets les deux pieds sur la pédale de frein, tu entends un gros bruit bizarre dehors, mais les arbres continuent à passer. Tu arrêtes de freiner, tu dis, ça marche pas. Oui, tu appliques les freins, là, ça va barrer les roues, et là, ça va ralentir, puis à un moment donné, tu vas arrêter. J'ai pas dit qu'en appliquant les freins, tu arrêtais net. Il n'y aura pas assez de qualité de ceinture pour que tu restes dans l'auto. Mais quand tu appliques les freins, tu vas parvenir à l'arrêt. Mais si tu roules à 150 km à l'heure en appliquant les freins, ça va peut-être prendre 8, 9, 15 secondes pour t'arrêter. Si pendant ce temps-là, tu es trop impatient, après 5 secondes, ça ne marche pas, tu arrêtes. Là, tu dis, c'est quelque chose d'autre, là. Ben, tu continues à rouler. Mais même si je t'amène d'autres choses, il faudra pareil que tu te repenses à appliquer les freins à un moment donné. Sinon, tu vas dire, la vie va m'amener à l'abondance ou à l'arrêt. Oui, panne d'essence, je comprends. Puis ça va être long. Puis tu n'auras jamais rien compris de la mécanique. Quand tu vas faire le plein, tu vas repartir, tu vas t'encore pogner la même affaire. Donc, quand on applique les lois, on s'attend, on garde un laps de temps pour que les choses bougent. Qu'est-ce que je veux dire par ne pas travailler? On doit gérer sa vie. Il faut comprendre déjà le principe que nous ne sommes pas sur la planète uniquement pour travailler, pour aller chercher de l'argent. Et surtout que quand tu ne rendras plus d'argent à ta pension, tu auras le temps. Tu as toujours le temps quand ce n'est pas le temps, tu as toujours l'argent quand tu ne peux pas t'en servir. Ne pas travailler veut dire que l'être humain doit s'arranger pour immédiatement dans sa vie, ça c'est une attitude de conscientiser qui va engendrer des mécaniques qui vont amener l'abondance réelle, financière comme temporelle, c'est de commencer par se dire, bon là il me manque d'argent, je vais faire du temps supplémentaire, et là immédiatement fais un arrêt. Ton temps fait partie de ton abondance. Ton temps, c'est aussi ta vie. L'argent va te permettre d'utiliser ton temps. Mais si tu n'as rien que l'argent, tu n'as pas le temps, tu es aussi pauvre que celui qui a le temps sans argent. Donc, on doit s'arranger immédiatement pour se faire un budget de temps et un budget d'argent. Quand tu dis quoi? Eh bien, c'est ça, je n'ai pas eu le temps de le dire. Alors, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut trouver le juste milieu en travailler. Pas le juste milieu, le milieu non. Intelligent, adapté à chaque individu. Et ça, on pourrait y revenir. Je connais des personnes qui travaillent énormément, puis quand ils regardent leur budget du mois, ils se disent « Oui, mais si je travaille moins, je m'en sortirai pas. » C'est ça le cercle vicieux. Tu t'en sortiras jamais non plus. Alors, à un moment donné, il va falloir que tu dises « Bon, mais je vais essayer voir si je peux couper à certaines places. » Pour travailler moins. Mais quand tu vas travailler moins, vas-tu tout perdre ton temps en sécrétion négative, en stress, en inquiétude, etc.? Continue à travailler pour amasser de l'argent de bord. Là, tu gaspilles ton temps, tant qu'à le gaspiller, au moins qu'il soit rentable. C'est pour ça que je dis que ça paraît comme facile à un moment donné. Moi, quand j'ai cessé de travailler, je me suis dit, toutes ce que j'aime faire dans la vie, je prends tout l'argent que je gagne, puis je la dépense pour faire ça. Alors, si à un moment donné, je serais capable de rendre rentable mon hobby, mon passe-temps, ça serait comme intelligent. J'aurais le temps complet de faire ce que je veux faire, puis en plus, je serais payé pour le faire. Bon, par principe, là, disons pas, ouais, c'est facile à dire. Mais c'est facile à dire, effectivement. N'empêche que c'est bien brillant, si on pourrait tout parvenir à quelque chose du genre. Mais à un moment donné, pour que je puisse faire ça, il a fallu que je commence à couper dans le travail. Et j'avais un peu moins d'argent, c'est ça qui est le maudit problème. Notre cercle, notre roue, notre engrenage social est fait pour qu'à l'instant où on commence à prendre du temps, on perd l'argent. Vous voulez gagner du temps chez vous, alors vous achetez une laveuse à vaisselle. Mais vous devrez la payer. Le temps que vous allez gagner, vous allez perdre de l'argent en conséquence. Vous voulez avoir une femme de ménage ou un homme de ménage, ça va vous laisser du temps, mais vous le payerez. Vous allez transformer votre argent en temps. Vous perdez l'argent, vous gagnez le temps. À un moment donné, tu vas dire, je vais aller chercher l'argent. Impeccable. Tu vas travailler, tu transmutes ton temps en argent. Tu n'as plus de temps de rien faire, mais tu gagnes de l'argent. Et ça, même si on dit à un moment donné, oui, mais on n'a pas le choix. Commençons par une des lois, intelligencer sa vie. Trouvons ce con. C'est déjà le début. Tu sais, quand la femme a voulu se libérer, c'était impossible. Quand c'était suffisamment arrêté, la mécanique, oui, mon frère a éclaté le loyer familial, il est déjà pourri, mais il n'est pas éclaté. Bon. À un moment donné, il a fallu que quelqu'un décide d'arrêter tout un engrenage au complet. Et que ça fait mal et que ça fait peur, du côté des mâles comme des femelles. Mais tu n'en sortiras jamais autrement. Faut que tu bloques un engrenage. C'est la mutation entre les deux qui est stressante. Dans le début, oui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous allez vous ramasser avec les deux bateaux. Puis là, lequel que je fais quoi? Faut que tu lâches un ou l'autre. Puis si tu te conscientises, t'es déjà très insatisfait de celui sur lequel tu te promènes. L'autre est la solution. Mais tu peux pas conserver les deux, encore que. Il faudra qu'à un moment donné, que tu appliques. Appliquer veut dire risquer. Mais on risque intelligemment, il y a un paquet de lois qu'on va voir. Donc, pour savoir comment conserver du temps et de l'argent, pour cesser de transformer le temps en argent et l'argent en temps, ça devient un cercle intéressant. J'ai ramassé de l'argent, et puis maintenant, je vais aller payer un gars pour réparer mon char. Fait que là, ça me laisse du temps pour attendre dans le garage qu'il répare. Puis ce temps-là, je vais donner de l'argent pour pouvoir l'acheter. Alors, ma vie devient une forme de connerie totale à un moment donné. On doit, et il y a plusieurs moyens, mais l'idée, c'est pas de dire, je dois trouver une façon pour, en affaires, aller chercher ça. On commence par changer des attitudes chez soi, parce qu'on ne pourra jamais appliquer. Je connais une personne, moi, qui comprend ce que je dis, mais qui ne l'applique pas. Alors, elle est toujours en train de se demander comment aller chercher plus de temps, puis plus d'argent. Puis là, elle fait rien que penser à ça, puis elle travaille 8 jours par semaine pour ça. Sinon, la deuxième loi. Vérification expérientielle. Voilà. Vérification expérientielle, qu'est-ce que c'est? Tu m'avais dit aussi que c'était un test, pas l'équivalent d'un test supplémental, si ouais. J'ai bonne mémoire. C'est ça. C'est un test d'intelligence. Si je ne dois pas travailler à outrance, donc je vais commencer à faire des choses qui sont plus rentables, ça ne veut pas juste dire de faire des greffes pour avoir plus. Si je fais une greffe pour avoir une augmentation, ils vont doubler mon salaire. Je suis bien heureux. À un moment donné, ils vont doubler aussi le prix de ce qu'ils vendent. Le consommateur va faire une greffe pour avoir une augmentation de salaire pour acheter nos bebelles. Puis moi, je vais avoir eu une double d'augmentation de salaire avec un double d'inflation dehors 6 mois après. Fait que je suis revenu aussi pauvre qu'avant. Puis là, je recommence ma greffe pour avoir. C'est pour ça qu'il faut donc faire attention. Pour ça, je vous dis, c'est une attitude qu'il faut comprendre. Bon. La vérification expérientielle, vérifier dans l'événement si ce que l'on fait est pour nous. Oh, ça revient à la foi? Non, on va comprendre la mécanique. Bon. La personne, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit faire un petit test. Dernièrement, je parlais avec des personnes qui sont dans la construction immobilière. Et là, leur compagnie, elle fonctionne bien, mais il y a une partie, un projet qui, lui, peut tomber à l'eau, puis c'est intéressant qu'il fonctionne bien. Et ce projet-là est en fonction de critères de qualité, c'est-à-dire que techniquement, on doit régler certains problèmes. Et on doit faire ça 7 semaines parce qu'il y a une compagnie qui est intéressée à vendre le produit, mais elle veut vendre ça, elle veut commencer dans 2 semaines. Il faut régler bebel. Les personnes ont la fièvre noire, travaillent ce jour, puis 20 heures par jour pour essayer de régler le problème. Moi, je leur dis, vous vous conscientisez, c'est des individus qui se conscientisent. Si vous n'avez pas à le vendre, vous ne le vendrez pas. Travaille comme un bœuf, tu vas juste travailler pour que ça ne marche pas non plus. Tu auras perdu ton temps, tu n'auras pas eu d'argent. Ça, c'est à cause que tu appliques des lois traditionnelles qui ne vont plus pour toi. Si tu as à vendre avec eux, tu vas vendre avec eux. Mais oui, mais si j'ai à vendre avec eux autres, je pourrais pas vendre, c'est pas prêt. Tu les appelles, puis tu dis, je retarde de 2 mois. Mais t'entends? Parce que j'ai des problèmes techniques. Mais je peux pas leur dire ça, voyons donc, ils sont faits déjà fourrés par tellement de compagnies. Si je leur dis ça, ils vont carrément tout casser. Le test est de téléphoner et de leur dire. Si tu as affaire à faire avec eux, ils vont accepter. Si tu n'as pas affaire à faire avec eux, ils vont refuser. Mais là, regardez encore l'idée du travail. La personne, elle va travailler pour maintenir un contrat. Moi, je ne travaillerai jamais pour maintenir ce contrat-là. Si je l'avoir, m'en l'avoir pareil. Sauf que tu parlais de mérite tout à l'heure dans l'air du poisson. La personne, elle va travailler à un point tel qu'elle va réussir. Moi, je ne travaillerai pas pantoute, puis m'a réussi pareil, parce qu'on avait à le faire. Elle se dit, une chance que j'ai travaillé. Puis moi, je me dis, bon, on va-tu voir un film à soir? C'est une partie des autres lois, ça. De ne pas trop être méritoire, on va revenir. La personne, ça n'a aucun maudit sens. Si je fais ça, ils vont canceller. Parfait. Là, j'ai dit, ça fait 5 ans que tu essayes des choses, puis ça fait 5 ans que quand tu n'appliques pas ce que je te dis, ça foire. Commence à comprendre. La personne, elle téléphone, elle leur en parle. Qu'est-ce que l'autre répond? Oh, ben, il n'y a aucun problème. C'est un test. C'est un test. C'est de mesurer si oui ou non ça semble nous appartenir. Est-ce que c'est là que tu as allé ou non? Combien de personnes perdent du temps et de l'argent dans leur vie pour courir après des échecs? Mais en réalité, l'échec est l'idée que tu as les barbites. J'ai fait un échec. Tu n'avais pas allé là. OK? C'est simple, tu n'as pas fait d'échec pantoute. Puis là, tu apprends des mécaniques. C'est pas, on va dire, oui, mais le crime, ça veut dire c'est comme une forme de destinée, etc. Vérifie simplement qu'est-ce qui te regarde. Il y a des courtiers en valeur mobilière qui font de l'argent en achetant certaines formes d'actions. Il y en a d'autres qui font la même chose, qui perdent tout. Tu sais, quand on prend une idée, puis c'est une idée que je donne de temps en temps, on a une compagnie de savon qui, à un moment donné, met un nouveau, le même savon, mais amélioré. Ça fonctionne. Immédiatement, Tide essaye la même chose. Le nouveau Tide amélioré. Les gens ont l'impression qu'ils se sont fait fourrer pendant 15 ans avec Tide, qui n'était pas bon, la preuve, ils l'ont amélioré. Mais pourquoi ils n'ont pas eu le même raisonnement avec l'autre? Cherche pas. Puis en affaires, dans ceux qui se conscientisent, souvent, tu vas dire, lui, c'est un génie, elle, c'est un génie. Pourquoi? Parce que ça a marché. Mais quand Coke ont mis le nouveau Coke, c'était génial. Ben, ils sont venus avec le Coke classique, c'était pourri. Le gars qui a eu l'idée, c'est un imbécile? Mais non. Il y en a un autre qui a eu la même idée avec un autre produit, ça a été génial. Il y en a un qui se conscientise, il y en a un qui ne se conscientise pas, ou il y en a un qui inconsciemment applique des lois que l'autre n'applique pas. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'idée. Si ne pas travailler veut dire que tu t'en vas pour avoir l'abondance temporelle et financière dans ce qui est facile. Puis qu'est-ce qui délimite ce qui est facile? Où tu as à t'éreinter ou à ne pas t'éreinter? Ben, c'est simple, fais juste un test légèrement négatif de ton produit. Alors, la personne, elle a compris le principe, mais elle ne l'applique pas encore parce que là, elle se dit, bon, mais là maintenant, là, vu que j'ai 2 mois, il y a tel autre projet là que peut-être que là, vu que j'ai du temps, elle va encore se ramasser dans 2 mois avec les mêmes problèmes qu'elle avait là. C'est le problème que tu disais tantôt avec les deux bateaux, là, tu tiens les 2 cordes en même temps. Alors, ça, c'est déjà une chose. Ne pas travailler, ça peut... Mettons, tu te dis, bon, est-ce que je lâche mon emploi ou pas pour changer d'emploi? Un exemple que je donne, OK, on n'applique pas directement, il faut comprendre le principe. Donc, dans cette deuxième loi, vérification expérientielle, eh bien, je vais commencer par aller... soit je vais voir mon patron, je demande une augmentation, il me dit non. J'ai déjà une réponse dans ma vérification expérientielle. Alors, je me dis, bon, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ce serait telle chose, il faudrait que je m'inscrive à tel cours. Parfait. Je vais aller m'inscrire à tel cours. La personne, elle me dit, ah, ben là, il ne reste plus beaucoup de place. Il faudrait venir tout de suite. Tiens, je vais y aller demain. S'il n'y a plus de place, je ne suivrai pas un cours pour rien. Puis si j'ai à le faire, il va y avoir une place, il n'y a aucun problème. Alors la personne, elle se dit, bon, demain. Mais là, on parle encore d'appliquer. Puis c'est pour ça que les égaux ont le problème. Ah, ben crime, j'ai une chance, mais il reste rien qu'une place, il faudrait que j'aille tout de suite. Vérification expérientielle. Travaille pas, cours pas. Assis-toi, là, puis demain, tu iras. Moi, je vis comme ça. Et c'est une vraie farce, mon affaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont jalouses. Puis tout ce qu'ils trouvent à dire, ah oui, mais toi, c'est Daniel Kem, c'est pas pareil. J'ai déjà vécu comme Charles Villeneuve, moi, tout. Non, c'est pareil. Je comprends des mécaniques. Alors, tu y vas le lendemain, puis là, il n'y a plus de place. Tu vois, j'aurais dû... Non, on vient de te sauver un cours. C'est facile, l'évolution, quand tu te conscientises. Mais applique des mécaniques. Puis là, hop, il y a une place. Voilà, tu t'inscris à ton cours, tu as sauvé du stress, tu as sauvé bien des affaires. Si ça t'énerve, si ça te fait courir, si ça te fait forcer, travailler... T'es pas dans vérification expérientielle, tu colores tout, ben c'est ça. Comment peux-tu confirmer que c'est un trou pour toi Si déjà là, tu fais tout pour que ça en soit un. Mais si ça n'en est pas un, tu vas t'en avoir coloré, tu vas y aller pareil. Mais comment ça se fait que les portes se sont ouvertes, tu as défoncé à coups de masse? Mais rendu à un moment donné, c'était un mur de béton, c'était un cul-de-sac. Oui, mais de temps en temps, je défonce, puis une chance que je l'ai faite. Mais non, elle sera ouverte pareil. Comprenons le principe. Puis l'idée, c'est que la personne va se dire, ouais, mais c'est risquant, maudit, d'essayer ça. Ben, en tout cas, je connais des personnes qui commencent à essayer ça, puis de l'abondance à la perte, qui recommencent à grimper. Mais c'est toujours une question d'insécurité. Tu te conscientises, la foi ne servira pas, donc ta sécurité non plus. Ta troisième loi? Le détachement du résultat. Bon. Détachement du résultat. Que ça marche, que ça marche pas. La compagnie décide de retarder de 2 mois. Là, le bonhomme, il va voir les autres, il dit, « Hey, j'ai réussi à y parler, là, puis je l'ai convaincu. 2 mois, il accepte. » Ah! C'est même pas de ta faute. Ça veut dire que c'est même pas... On peut pas même... Tu te donnes un crédit que t'as pas. Et c'est dangereux pour celui qui se conscientise. On va voir surtout la semaine prochaine comment ne pas perdre ce qu'on va avoir accumulé. C'est important, maudit aussi. Et là, il y a un danger qui se pointe, là. Si c'est normal que vous devez vous approchiez de l'abondance, et c'est normal. Tu sais, quand à un moment donné, un bonhomme disait « Fais comme si tu l'avais, tu l'auras. » Mais on parle de naturel. Mais chaque fois que tu gagnes 50$ à la loterie, t'en fais une fête. Comme si c'était tellement pas normal que tu gagnes. Il y a un danger, là. Alors, la personne, bon, voilà, fait qu'elle retarde de 2 mois, c'est correct. Bon, là maintenant, on continue. Attache-toi pas au résultat. Parce que progressivement, tu vas encore commencer à gonfler ton ego, à projeter, à sécréter, à penser que c'est toi qui joues le jeu, donc à colorer les prochaines vérifications expérientielles. Puis à un moment donné, tu vas dire « Non, non, je vais encore lui parler, puis il va encore retarder. » Mais tu n'as pas à passer par là. Là, il va dire « Non, je peux pas. » Tu commences à travailler, là. Parce que tu as une image de gros danger. Vivez simplement, là. Relaxez bien comme il faut, vous allez voir qu'il y a bien des choses qui vont s'ouvrir. Pas du positivisme, là, ça fonctionne, mais il faut appliquer convenablement. Mais est-ce que par se détacher du résultat, tu signifies aussi les deux, c'est-à-dire le mauvais puis le bon résultat? Oui. Si tu attendais quelque chose, tu l'as pas, faut pas que ça te dérange. C'est quoi le mauvais résultat? Le bonhomme, il veut pas qu'on retarde. Il vient de te sauver combien de temps puis d'argent, tu penses, à niaiser, travailler une place, t'as pas... Oui, mais si j'aurais à y aller, ça va s'ouvrir à un autre moment donné. Reste calme. Tu travailles beaucoup moins. Au minimum, tu as déjà du temps qui commence à rentrer. Il y a tellement de choses du genre, je connais assez de personnes qui se conscientisent en affaires ou qui travaillent, qui sont des génies et qui ont déjà fait rapporter des millions à des compagnies, puis qui maintenant ne marchent plus, parce qu'ils n'ont pas changé leur trame de travail. Puis les personnes pour qui ça fonctionne encore, bien, comprenez l'intelligence aussi de la mécanique, à un moment donné, tu vas travailler de moins en moins. Comme je disais, à un moment donné, tu veux vendre quelque chose, c'est ce que j'appelle ou non, on rappelle pas tout de suite. Si un autobus qui passe, ça m'a appelé. Ah, il y en a un qui passe. Là, l'ego, il se dit, ouais, mais peut-être que... Tu sais, on sait jamais. Peut-être le hasard. Moi, ce que je te dis, c'est qu'applique donc, justement, m'applique donc. On va vérifier, on va appeler, hein. On a toute la vie pour vivre. C'est pas ça. Essaye. Puis là, il y a des personnes qui vont essayer de rejoindre une personne pendant 2 semaines. Alors qu'il y en a un autre qui va appeler, lui, 2 semaines après. Les deux vont appeler en même temps, puis ils vont le rejoindre en même temps. Il y en a un qui a travaillé pendant 2 semaines, l'autre, il joue au ping-pong. Et là où il y a le danger, que tu peux dire, c'est oui, mais là, comment faire le discernement entre l'attente active et l'attente passive? La vérification encore expérientielle. Est-ce que c'est ça que j'ai à faire? Tu sais, je vais appeler. Ah, oh, c'est encore le secrétaire, puis c'est toujours la même secrétaire, puis tu sais, fais juste, décide simplement des choses d'avance. Puis si ça va, poursuis, puis regarde, puis à un moment donné, où ça bloque, tu dis, tiens, ça a bloqué là. Si je pousse plus, est-ce que je travaille trop ou non? Tu sais, est-ce que je commence encore à travailler d'une porte qui n'est pas pour moi? Alors, tu te dis, pour vérifier maintenant, peut-être que j'ai à continuer, peut-être pas. Alors, comment le savoir? Pas en travaillant, l'abondance, ça va venir, mais sois honorablement attracteur d'abondance. Le temps et l'argent, pas un ou l'autre. Alors, tu vas faire décider une autre vérification expérientielle. Tu vas dire, bon, bien, tiens, je vais rappeler, puis je vais dire certaines choses, puis si ça donne tel résultat, c'est possiblement parce que je peux continuer à travailler là. Ça va se faire facilement. Sinon, ça va être pénible. Ou encore, on va dire, bon, bien, je me laisse 2 semaines à raison de 2 téléphones par semaine. Après 2 semaines, sans rien donner, banzai. Une personne dernièrement qui a essayé ça. Puis elle tenait-tu à réussir? C'est un danger. Finalement, elle a décidé d'accepter l'idée. Je vais essayer, puis si ça ne va pas, j'abandonne tout. Ça n'a pas fonctionné, tout abandonné. 1 mois après, l'autre appelait pour confirmer, puis conclure l'accord. Alors, ça devient très intéressant. Mais pourquoi se détacher du résultat? C'est que là, son ego en a pris d'un coup. Christy, ça marche. La pensée contrôle les mécaniques. Servez-vous des mécaniques. Contrôlez-les pas, on les colore pour les déforme. Servons-nous-en, par exemple. Le quatrième, c'est intelligencer sa vie. Ça, il faut boire de l'eau avant. Ça rend intelligent? Beaucoup d'informations dans l'âge de zoo. Avec MG, CL, toutes les... Puis du rouge à lèvres, je pense, c'est un peu aussi. Intelligencer sa vie, la loi qui suit, ça veut dire cesser de concevoir son avenir ainsi que son présent et sa vie en fonction uniquement de caractère émotif. L'émotivité, c'est la mécanique essentielle pour permettre à deux êtres humains d'avoir des relations vibratoires proches. Émotivité et affectivité. On ne parle pas de l'amour, là. Ça peut aller à la relation sexuelle, mais je parle d'affectivité et d'émotivité. Mais pour baser sa vie, on va se faire ramasser. Pourquoi? Parce que si je décide que j'aime telle automobile, puis je n'ai pas d'automobile, je vais viser elle. Alors que ma vie m'aurait amené une autre automobile. Si j'intelligencie ma vie, je considère que ça serait utile une automobile pour moi, parce que ça me permettrait de sauver du temps, ça me permettrait d'être plus libre dans mon déplacement, ça me permettrait de pouvoir m'en aller d'un party quand je suis écœuré et pas attendre après l'autre qui me conduit, qui lui veut rester là. Ça me permet des choses. Là, j'intelligencie ma vie. La problématique, c'est que maintenant, j'ai intelligencé. Est-ce que là, il faut faire attention pour pas que je me dise « Ah, ça, c'est tout intelligent. Maudit que ce serait bien, ce serait de même. » Tu commences à émotiviser encore. Puis tu risques encore de colorer quelque chose qui va venir tout seul. Intelligencer sa vie va nous permettre d'accélérer la conscientisation. Accélérant la conscientisation, on va mieux conscientiser les lois d'abondance et on va être capable de supporter animativement, sans émotion, un résultat formidable. Comme je dis souvent, on se promène dans le bois, puis quand on voit un chevreuil, on est renversé. C'est naturel, un chevreuil dans le bois, on devrait trouver ça comme un arbre. On devrait dire, tiens, il y a un chevreuil là pour continuer à marcher. Mais les gens, ils se mettent à crier, le chevreuil, il n'est plus. Nature. Alors, tu progresses vers un chemin, puis tout ce qui est dedans est naturel. Panique pas chaque fois en positif ou en négatif quand il y a quelque chose qui fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est comme si tout le temps, si tu crierais à tout le monde, c'est une erreur. J'ai une augmentation, ben il est cave. Je mérite pas ça. On va fêter ça. C'est une augmentation, c'est sûr. Tu le mérites, c'est normal. C'est naturel. Et c'est bien correct. T'sais? Alors, ta valeur, tu la supportes dans ta vie. Intelligencer veut dire... C'est pas nécessairement de... Parce qu'il faut faire attention encore. T'intelligencies ta vie en fonction de l'abondance. C'est logique d'avoir du temps et de l'argent. Pas avoir un million. Mais quand je veux manger, je mange. Quand je veux sortir, je sors. Quand l'automobile est en panne, 300 piastres rentrent. Ça coûte 300 piastres. Je me dis pas, oui, mais regarde, elle sort aux mesures 40. Sécurité, tu cherches. Non, en réalité, c'est 40 quand vous en avez besoin. Grosse nuance. Et dans le processus, tu te déstresses et tu t'apaises. Tu vas voir qu'à un moment donné, il va rentrer 400 quand tu as besoin de 300. Puis l'autre 100, il s'en va à la banque. Puis tu vas se faire quelque chose avec. On parle d'abondance. C'est pas de dire, il faudra que j'économise. Dans le début, peut-être, il faudra que tu restreignes certaines choses pour te lancer. Mais à un moment donné, tu n'économiseras pas. Tu ne seras pas un gaspilleur. Tu vas être conséquentiel, tu auras intelligencé ta vie, puis ça va être impeccable. Intelligencer, donc, veut aussi dire, on parle de ne pas émotiviser. Le gars qui dit, bon, je vais avoir ce contrat-là. Intelligence ta vie. Si avec lui, tu as engueulé pendant 10 ans, si c'est un gars jamais satisfait ou une fille qui est toujours en train de crier, bon, non, c'est tellement plus simple. Si tu as intelligence, convenablement, tu mets d'intelligence dans ta vision plutôt que juste de l'émotion. L'émotion, c'est dans la relation entre des humains. Alors, je m'en vais en vacances sur une plage, et émotivement, bon, j'intelligencie, bon, l'avion, le ci, le ça, l'hôtel. C'est intelligent d'avoir un hôtel qui est confortable, tu sais, où est-ce que l'eau chaude arrive. Si ça n'arrive pas dans les autres chambres, c'est de la bebelle, tu sais, mais moi, j'en veux. C'est intelligent. Et puis, c'est tout. T'appelles à tel hôtel, puis place. T'appelles un autre, ah, lui, il a de la place. Mais ça va bien aller, tu vas voir. Puis je le fais par expérience, puis il y en a d'autres qui commencent à piquer, puis c'est surprenant. On est allé, à un moment donné, à Lima, au Pérou. Et émotivement, on voulait se reposer une semaine de temps à Lima, pour après ça, gagner les Andes. Les Andes, c'est quand même plus pénible, on voulait peut-être faire un peu d'escalade, tu sais, puis les hôtels des Andes, mais bon. Alors, on arrive à Lima, puis à Lima, c'est le bordel total, c'est comme Montréal en plus pire. Franchement, payer 500$ pour partir de Montréal, puis atterrir à Montréal, c'est pas des vacances. Alors là, on décide de prendre un collectivo, c'est des taxis, puis là, on gagne les Andes. Mais c'était vraiment pas, émotivement, c'était pourri. Mais là, intelligemment, on reste pas à Lima. Je préfère intelligemment, on intelligençait. Rendu à Jauja dans les Andes, En traversant le village, il fallut que le taxi arrête, on a ôté un cadavre dans la rue. La personne a continué. Il n'y a pas de trottoir, il a mis une charrette. Bon. Là, les personnes qui sont là, puis là, voilà, on s'est fait. On traverse Haha, on arrive sur le bord d'une lagune, puis il y a une petite, on était 6 personnes, et puis là, il y a une toute petite auberge qui donne sur une grosse lagune, puis en avant, il y a de la neige dans les montagnes. Ils ont 8 lits, on est 6, il n'y a personne. Fait on prend 3 chambres sur 4, 6 lits. On est resté une semaine là. Le propriétaire, lui, il couche pas là. Lui. Il barrait les portes quand il s'en allait le soir, on allumait le foyer, puis on avait l'hôtel dans nous autres sol. Et puis, aucun touriste pérouvien a pu venir là, il était toujours 3 ou 4, il restait 2 lits. Fait qu'on était chez nous. Tout le long complet, ça semble que, à un moment donné, tu finis par te libérer émotivement, puis on est venu faire un voyage pour se reposer, mais en même temps, un voyage un peu d'aventure. Bon, ben, on va rentrer dans le trou qu'on a rentré. Immédiatement, quand on a lâché, c'est parfait. Puis prenez la chance, vous, de vous diriger sur un hôtel dans les Andes, 6 personnes, puis il y a 1-8 lits. Vous risquez fortement de vous ramasser à vous faire dire, il me reste 5-4 lits de libre ou 1-2 lits de libre. Tu sais, c'est comme ça, ça se peut pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ouais, mais c'est Daniel Kem, on le sait bien. Non. Ils ne savent pas aux autres dans les Andes, hein? C'est ça. Alors, il n'a pas prévu rien. Non, l'intelligentiation de sa vie amène énormément d'efficacité au niveau de l'abondance. Mais est-ce que l'émotion... Ça coûte $12 par jour. 3 repas compris plus l'hôtel, pas de propriétaire, personne dans les jambes. Avec la lagune en avant, puis les moutons sur le bord. Les moutons. T'sais? Est-ce que l'émotion est là pour nous faire supporter ce qu'on n'est pas capable d'avoir? Si, par exemple, tu gagnes 2 000 $ puis ça te stresse ou ça t'excite, c'est parce que tu n'es pas capable de le supporter. Non. L'émotivité... Ou si c'est l'inverse. L'émotivité est là pour faire en sorte que l'humain qui n'est pas capable d'avoir une raison intelligente de s'améliorer ait une raison émotive de s'améliorer. Par exemple, si tu, émotivement, tu peux aider quelqu'un qui est blessé, mais si tu n'es pas touché émotivement par sa blessure, tu peux aussi intelligemment considérer que c'est écologique de l'aider. Quand je travaillais pour Urgence Santé, quand les médecins arrivaient sur les lieux des accidents, leur mémoire d'intervention embarquait, puis les gens disaient, gars, on dirait des bouchées. C'est assez de réanimer quelqu'un, puis pendant qu'on fait un massage cardiaque, qu'on ventile, qu'on met des médicaments, bien, on peut dire avec, t'as-tu encore le mobile 4415? Oui. Moi, c'est une cochonnerie, ça, c'est vieux, je l'ai gris. Bon. Bon, pendant que tu essaies de réanimer l'autre, la famille ne comprend pas l'idée, là. C'est qu'il n'y a pas d'émotivité dans le travail, ça les rend plus efficaces. Mais quand le médecin arrive, là, puis c'est son père qui est en arrêt cardiaque, ce médecin-là ne peut plus rien faire. Il faut en faire venir un autre. L'émotivité dans la relation, c'est génial. Mais ça nuit en tabarouette dans d'autres choses. Dans, antiquement, disons, là, une heure aller en descendant, l'humain a besoin de l'émotion parce qu'il ne comprend pas les mécaniques. L'émotion engendre la croyance qui peut supporter la foi. Mais bien souvent, dans un monde meilleur, que tu vas replacer ça parce que ça devient des promesses de politiciens. Tu n'auras pas tout de suite. Tandis que quand tu intelligencies, l'émotion, tu vas t'en servir dans la relation entre les individus lorsque ça nourrit. Et l'intelligenciation va faire en sorte que tu vas être capable de plus facilement, donc émotivement, arriver quelque part et il n'y a plus de place. Parfait. Puis c'est pas là que j'ai allé. Puis c'est même pas du défaitisme. Vire de bord, là, puis tu vas voir qu'à un moment donné, ça va être parfait. Tu appliques le reste des lois. Puis si l'individu ne se promène pas avec 2 bateaux pour le tirer sur l'eau en ski nautique, embarque ou embarque pas. Mais quand on se conscientise, on débarque de un puis on n'embarque pas dans l'eau. Donc, fait du ski nautique, pas de bateau, là. Accepter les résultats comme normal. Ça, tu l'as couvert tantôt. Ne pas s'en vanter, ne pas le cacher. Ne pas le cacher, celui-là, ça me... C'est difficile de comprendre parce que ne pas s'en vanter, si tu fais de l'argent... Tu t'en vantes pas, puis d'un autre côté, tu dis ne pas le cacher. Oui, c'est très important. Comment fais-tu pour faire ça? Puis si tu fais du temps, rentre-toi-en pas. Hein? Pensez à l'argent tout le temps, hein, dans l'abondance. Oui. Si tu fais de l'argent. C'est des vieilles mémoires. Oui. Si tu fais du temps, il faut les changer. Parce que être riche, c'est avoir les deux. Bon. Puis comme on a besoin, c'est l'abondance. Mais c'est parce que être pauvre aussi, mémoriellement, c'est avoir 100% du temps. Oui, je sais. Mais être pauvre, être malheureux, du moins riche, l'argent fait pas le bonheur, c'est ça. L'argent, t'es aussi pauvre. Mais on a été porté ou en tout cas habitué à penser que quand t'avais bien du temps, t'avais pas d'argent. C'est que c'était plus la pauvreté d'avoir bien du temps que l'inverse. Oui. Mais maintenant, il faut qu'on change d'idée. Il s'est excusé de pourquoi il avait dit ça. Ouais, c'est ça. C'est une excuse. Mais maintenant, il faut changer d'idée. Bon. Ne pas s'en vanter, ne pas le cacher. Ne pas s'en vanter, ça veut dire justement de faire attention pour ne pas que ça redevienne méritoire ton travail. C'est que ton attitude va engendrer le mérite. Moi, j'ai de l'argent maintenant, tu sais, parce que maintenant, je change ceci, puis je comprends ça, puis ça devient méritoire. Mais par contre, si tu te dis, bon, ben là, faut pas que je m'en vante, ça fait que maintenant que j'ai de l'argent, j'aimerais ça m'acheter une Cadillac, ça fait longtemps, mais là, je m'achète une Cadillac, tu sais, c'est comme si tu m'as allé quelque part, tout le monde va savoir. J'ai pas dit de le cacher, mais de pas s'en vanter. Grosse nuance. C'est que si tu as de l'argent, tu as du temps, tu t'en sers pas, tu n'as pas besoin, tu l'auras pas longtemps. Il faut que tu l'utilises. Oui. Tu l'utilises, elle peut être une partie en banque ou elle continue à ramener de l'argent, mais elle n'est pas en banque pour te sécuriser. Elle est en banque parce que c'est l'abondance. Pourquoi faire avec? T'es en banque. Et tu peux aussi t'acheter une Cadillac, tu peux t'acheter une Jaguar comme tu as, tu peux t'acheter différentes choses, puis c'est pas du luxe. À un moment donné, tu dois absolument, obligatoirement, ajuster la matière en fonction de ce que tu es, de l'onde de forme que tu dégages. On va voir aussi, ça fait partie d'une des lois. Tu dois ajuster le temps, la vie, l'entourage, en fonction de ce que vous devenez, donc de ce que vous êtes. La personne qui a toujours rêvé d'aller en Europe, on va voir la Tour Eiffel, c'est un grand poteau d'Hydro-Québec, elle va en Europe. Une autre personne va à Monaco. Il y a une grosse nuance. Puis il y en a un qui va dire, oh, mais Monaco, c'est un des snobs qu'il y a là. C'est évident que quand tu ne parles pas le langage, quand tu parles pas poulet, les poulets, c'est con. Quand tu ne parles pas le langage des snobs, les snobs sont snobs. Quand tu ne parles pas le langage des riches, les riches sont snobs. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y a des humains à l'intérieur de tout ça. Il y en a qui appliquent des lois du poisson et ça fonctionne bien. Il y en a qui sont riches en train de tout perdre s'ils se conscientisent. Puis il y en a qui sont riches, qui se conscientisent et qui appliquent de nouvelles lois. Puis c'est ceux-là surtout que tu as l'impression qu'ils ont du temps, qu'ils ont de l'argent, des fils à papa ou à maman, ou des filles à maman ou à papa. Il y a une bizarrerie, un rayonnement, il y a un charisme, il y a quelque chose qui fait que tu veux t'en rapprocher. Mais c'est pas en allant dans la région où vont la traditionnelle, tu sais, les personnes, fin voyage, tu vas aller en vacances, tu vas à Miami. Moi, j'y étais à Miami. J'avais l'argent pour aller à Miami. À un moment donné, j'avais l'argent pour aller ailleurs. J'allais ailleurs. Parce que Miami, c'était pas... c'était intéressant, mais c'était pas intéressant. Ne pas le cacher... C'est intéressant quand il va, après ça, c'est plus intéressant quand tu vas d'ailleurs. L'idée, c'est de ne pas s'en vanter, mais une personne dirait, bon, là, je me suis acheté une nouvelle bague, mais est-ce que je me vante de... Pourquoi tu l'as acheté? Elle me plaisait. C'est une vérification expérientielle. Elle est en harmonie avec toi. La mettre, là, c'est un condensateur. Tu continues à attirer la mécanique que tu as commencé. Mais tu ne vas pas la mettre, tu es en jean, ta soeur, elle vient, ah, tout de suite, tu mets ta grosse bague. Là, il y a un déphasement total, tu t'en vantes. Et ça, il y a beaucoup de subtilité à appliquer dans ce que je dis. Mais vous gagnez un million, devenez millionnaire, vantez-vous-en pas. Il faut que ce soit normal. Vous avez de l'argent, bien, vous allez changer de maison peut-être ou en acheter une, peut-être même pas. Mais l'idée est d'appliquer en fonction de ce qu'on veut, nous autres. Et si tu achètes une montre en or, tu ne regardes pas l'heure à toutes les deux minutes. Et c'est ça. Exactement. Moi, je voyage encore dans les pays sous-développés. J'ai toujours un sac à dos, puis je suis libre. Mais j'ai mes cartes de crédit avec moi, puis des cartes de crédit qui t'ouvrent toutes les portes si t'es mal pris. Sauf la porte. Pas juste Visa et Mastercard, là, tu sais. Sauf que ces cartes-là, ils servent à quoi? Ils servent au cas. À un moment donné, quand on arrive de la jungle, on est tanné, là, on va se louer une suite, puis on a la paix. Puis ce qui est intéressant dans ces pays-là, c'est plus t'es riche, moins ça coûte cher. C'est ça, amener l'abondance. Mais servez-vous-en. Je vais dans un hôtel à Chicoutimi, et puis je suis claqué, j'arrive en auto, je leur dis, avez-vous une suite? Ils me disent, oui, c'est une suite princière. Parfait, je la prends. Bon. Là, elle me dit, oui, mais elle coûte... C'est bien trop cher. Faites-moi un prix, je la prends pareil. Mais je ne pourrais pas ce prix-là. Bon. Est-ce que c'est une compagnie ou... c'est quoi la différence? Bien, quand c'est des compagnies, on fait des rabais. C'est une compagnie. Mais elle s'en fout! Mais on n'ose pas poser un autre... Bon, mais oui, mais crime, c'est simple. Vérification expérientielle. Et puis finalement, elle m'a baissé en masse. Puis là, quand je vais là, j'ai toujours la même suite. Puis c'est pas une farce, mais elle me coûte 50$ par nuit. Puis on a de la place pour chez 4 personnes. On a la cuisine, la chambre de bain, le salon, etc. La chambre à coucher. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que j'ai fait une conférence là, et puis là, un des directeurs de l'hôtel, c'était la conférence, il est emballé, puis il pensait que si, que ça, puis comme il n'y a pas souvent, mais bon. Mais ça a des raisons. Et quand je vais là, c'est toujours « Ah, bonjour, M. Kerr, oui, votre chambre est prête. » Puis le prix, je le sais, le prix. La personne qui, à un moment donné, veut jouer aux riches, elle va jouer à des choses. Je parle de vérification expérientielle. Tu fais juste vérifier des choses, tu vas là, puis quand elle dit non, on ne peut pas. c'est pas un échec, c'est pas ci, c'est pas ça, pas de faire, fini là, peut-être avoir moins de karma, en tout cas, tu sais, mais une chose certaine, c'est que la facilité progressivement elle vient. Moi, quand j'ai commencé à appliquer ce que je vous compte à soir, ça a pris 3 ans avant que ça devienne suffisamment concret pour que je puisse dire, je peux en faire une conférence parce que je ne pourrais personne s'il l'applique. Parce qu'à un moment donné, tu as une phase où ça va bien, tu penses que tu comprends de quoi puis ça n'a rien à voir. Mais quand j'essaye l'inverse de ce que je vous raconte ce soir, le résultat est automatiquement négatif. Puis maintenant, il y a d'autres personnes avec qui je vis qui commencent à appliquer, puis en fonction de l'application, pas juste de la compréhension, en fonction de l'application, les résultats vont de pair. Alors, c'est, oui, sans vanter, non. L'afficher, non. Mais le cacher, non. C'est simple. Avant de continuer dans ces les deux dernières lois, l'énergie qui circule autour de l'argent et du temps, est-ce qu'elle est de même nature? Pourquoi, pour avoir l'abondance, il faut avoir les deux, l'argent et le temps? Puis pourquoi, quand on achète un, on se débarrasse de l'autre? Bon, c'est une question qui sort un peu du phénomène de l'abondance. C'est plutôt relié au phénomène cosmique d'évolution. C'est que pour que l'être humain puisse parvenir à une forme de liberté de conscience qui va passer par une forme de libre-arbitre temporaire qu'on va avoir dans les quelques prochaines années, ceux qui se conscientisent pourront changer certaines trames pour après ça redevenir libre de conscience avec une application dans la matière. Pour que cela se fasse, il fallait absolument que l'être humain qui n'a pas de conscience, donc qui ne fonctionne qu'émotivement, quand je déteste les noirs, j'ai du tout, quand je déteste les blancs, j'ai du tout, l'énergie globale du système d'évolution planétaire ne pouvait pas appartenir à un seul morceau d'expression. Alors, elle s'épanouit sous deux façons totales, celui du temps, qui te permet d'aller chercher une libération vers la matière, aller chasser, cultiver, etc. Quand tu as la liberté face à la matière, n'ayant plus le temps, tu restes aussi esclave. Là, tu décides de prendre le temps et de cesser de chasser. Tu as le temps. Pendant ce temps-là, tu manges. Tu refais ta transmutation d'énergie. Rien ne se crée, rien ne se perd. Et maintenant que tu as le temps, tu commences à avoir faim. Celui qui se conscientise doit comprendre des mécaniques d'intelligence, d'écologie. Et s'il les applique, il va être capable de refusionner ces deux polarités, du temps et de l'argent, pour progressivement avoir les deux. Alors, à un moment donné, il y a une personne, disons que vous gagnez à la loterie, et là, on vous fait venir, vous faites une croisière sur le bateau, puis le capitaine vous dit, j'aimerais ça si vous pourriez faire une conférence aux gens, expliquer qu'est-ce que ça donne de gagner à la loterie, tu sais, ça intéresserait les gens. Pas de problème. Parfait. Mon cachet, pas vous payer combien? Là, tu deviens un artiste. Mon cachet va être de combien? Mais celui qui est méritoire, il est tellement content pour aller se vanter d'avoir gagné que mon cachet va être de combien? Il y en a souvent des artistes, ces bateaux. Puis vu que vous êtes habillé convenablement, la question est logique. Les pauvres, c'est gratuit, pas les riches. Mais toi, en même temps, c'est ta croisière, c'est du temps, ça te plaît d'aller faire ta conférence, leur expliquer, pas de problème, 400$ en plus, c'est quoi le problème? Tu fais ta conférence aussi. Quand on parle d'appliquer les lois, tu les appliques continuellement. Puis la personne va dire oui, mais. Ben non, il n'y a pas de oui, mais. Elle était en vacances et ça lui a rapporté 400. Elle n'a pas travaillé, là. Si ça la stresse, puis elle a peur d'y aller, puis elle se met à transpirer, c'est impayé, elle a transformé ce temps-là en argent. Elle n'a pas gagné d'abondance. Puis c'est impayé, elle a transformé ce temps-là en perte totale. Et d'un côté ou de l'autre, si ça te stresse d'une façon, tu y vas pas. Bien, si tu te stresses trop, ton trou n'est pas là, mais si tu te dis, tiens, ça me stresse, mais je veux apprendre. Autre chose, tu rentres à l'école. Bien, impeccable, mais être payé pour apprendre, pourquoi pas? Il y a bien des choses comme ça. Mais c'est sûr que quelqu'un te dit, pourriez-vous me rendre service? Parfait, tu payes combien? On n'a rien compris. OK? Moi, je vais rendre service, je peux rendre service énormément, c'est gratuit. Mais partout où tu vas aller et tu es prêt à payer pour, je ne sais pas pourquoi moi, il faudrait que je le fasse gratuitement, à part des échanges d'énergie, on va revenir à un moment donné sur l'une des conférences, comment partager, réussir là où les autres échouent, comment partager son abondance, on va expliquer l'idée, on pourra y revenir. La 7e loi, c'était d'attirer par réincarnation l'abondance, par l'onde de forme. Bon, ça j'en ai déjà parlé un peu, on pourrait revenir à la deuxième partie pour les personnes qui ne sont pas au fait de l'histoire. Quand une personne, bon, l'exemple que je donne, c'est plus facile à comprendre, c'est qu'à un moment donné, vous voulez comprendre les principes de la bourse. Vous suivez des cours, ça rentre difficilement. Habillez-vous en personne qui travaille sur le parquet, puis allez de temps en temps sur le parquet de la bourse. Vous ne comprendrez toujours rien, mais votre onde de forme, l'esthétique que vous dégagez, n'arrivez pas là en marchant tout croche, là, adoptez. Exactement, devenez l'autre. Comme l'humain réincarne de l'expérience du monde de la mort 24 heures sur 24 toute sa vie, c'est ce qui fait que souvent il se lève un matin et ne se reconnaît pas. Après ça, il digère, puis ça vient, puis il se fait ramasser, puis il se fait charrier. En adoptant un onde de forme particulière, c'est ces mémoires-là qui vont venir. Ces mémoires-là recherchent des mécaniques planétaires pour s'incarner. Et puis, des mémoires, ils recherchent des mécaniques, sont en infinité avec. Si tu es toujours comme une personne qui se plaint, qui est pauvre, qui pape, etc., tu réincarnes ça. Mal compris dans le passé, on va dire, soyez positif. Mais si tu as une attitude négative, une attitude de perdante ou de perdant, tu sais, tu vas te chercher un emploi de commis, puis tu arrives là-bas habillé tout croche, tout travers. Alors, s'il t'engage, tu vas te changer, là, tu sais. Quand tu arrives là, il ne t'engage pas. Là, on va te dire, oui, mais c'est parce qu'il faut que tu... Bon, soigne ta tenue, on va, certains vont dire. Deviens positif, fais comme si tu avais l'emploi, fait qu'arrive déjà habillé à travailler. Non, c'est que tu vas réincarner des mémoires de professionnels de la chose. Fait que quand tu arrives là, ça passe mieux. On pourrait revenir, la dernière loi, vu que la conférence... La transparence. Oui, la transparence, oui. On va revenir en tabarouette. On va possiblement revenir pour les deux un peu au début de la deuxième. La transparence, c'est la qualité que celui qui se conscientise doit avoir de ne pas travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre personne qui appelle, par exemple, la compagnie pour lui dire 2 mois plus tard, retarde ça, j'ai des problèmes techniques, il va appeler en disant, bon, ben là, j'ai un fournisseur qui a des problèmes techniques. Je ne suis pas transparent. Je travaille à compter des mensonges. Je travaille je fais de la diplomatie, de la politique diplomatique. Puis à un moment donné, la personne revient, elle dit, ouais, ton fournisseur, je peux-tu l'appeler, peut-être je peux l'aider. Bon, puis continuellement, même dans la famille, je rentre à soir, t'étais où? J'allais voir un film. Tout seul? Ben oui. À un moment, la transparence paye énormément. Toujours être en train de faire de la politique d'ancien, à toujours vouloir cacher. Bon, j'ai pas d'argent à soir, puis tu veux qu'on aille au restaurant, fait que ça me dérange pas, mais il faut que tu me payes la bouffe. C'est transparent. Ah, soir, ça me tente pas. Pourquoi? Ah, j'ai pas faim, ou ci, ou ça. Mais crime, c'est 2 amis. Qu'est-ce que tu sais, on travaille, là. Puis à un moment donné, au niveau de l'abondance, ne pas être transparent, c'est très, très, très péniblement dangereux, puis ça coûte toujours très cher. On pourra broder un peu quand on va revenir dans la deuxième partie. OK. À tantôt. On fait une petite pause. Vous avez des questions? Vous les écrivez par écrit. Sinon, vous les poserez oralement, puis on pourra discuter. Ça va être intéressant.